parler de ce sujet et présenter ses actes. Donc la forêt, une ressource alimentaire, c'est un lien qui peut sembler évident au premier abord. On est tous allés aux champignons, presque, hein, une fois. Mais en fait, la réalité historique est délicate à appréhender. Parce que les sources écrites, qui sont quand même parmi nos principales moyens d'information, évoquent peu la nourriture non domestique. Et il convient également de déterminer si un aliment « sauvage » entre guillemets est issu d'un milieu sylvestre ou non. Je vous donne un exemple, les escargots, on en trouve dans la forêt, mais on nous trouve également dans les vignes. Hein, Lorraine, terre de vignoble. Est-ce qu'on prend en compte ou pas la lisière ? C'est-à-dire quand est-ce qu'on est dans la forêt ? La chicorée qui pousse en lisière de forêt, hein, une plante qu'on trouve très facilement dans nos contrées en plein été, au mois de juillet, elle fait superbe fleur bleue, du coup, est-ce qu'on la comptabilise ou pas ? Je tiens à dire d'emblée qu'il n'y a pas de particularisme lorrain sur ce sujet, lorrain Grand Est, hein, mais le secteur est représentatif d'un comportement généralisé à l'échelle du pays, hein, et puis même à l'échelle européenne. C'est un sujet qui mériterait une étude approfondie, que le laps de temps imparti, d'autant qu'il a été raccourci, je plaisante, n'autorise pas. Nous allons donc parcourir très rapidement les quatre grandes périodes historiques en exposant les caractéristiques de chacune d'entre elles, sachant que souvent, hein, on parle, comme l'a dit le professeur Husson, hein, on parle également notamment sur le long terme, donc que les comportements perdurent souvent, mais pas toujours. Et comme pour tout phénomène humain, il existe des ruptures dans les comportements alimentaires. Alors, tout d'abord, l'Antiquité. Voilà. Alors, si vous l'ignorez, on ne sait pas déchiffrer la langue gauloise. Hein, on a retrouvé des textes, on a trouvé de l'épigraphie gauloise, mais on ne sait pas la déchiffrer. Ce qui fait que nos principales sources d'informations concernant cette civilisation, ce sont soit les écrits de César, hein, dans la guerre des Gaules, bien évidemment, mais là on a une source qui est indirecte et partiale, il faut bien le dire, soit l'archéologie, hein, et c'est la source principale. Et cette archéologie révèle la grande part prise par le gibier dans l'alimentation des Gaulois, ce qui, a priori, n'est pas très surprenant. Alors, que mangeaient les Gaulois ? Du cerf, du chevreuil, du renard, ça c'est plus surprenant, mais beaucoup moins de sangliers que ce que l'on imagine, en tout cas que ce que l'on a élaboré dans nos inconscients collectifs suite au succès mondial de cette bande dessinée. Hein. Donc vous voyez qu'on est très influencé. Alors, évoquons le monde classique. Et là, le phénomène, le monde classique, c'est-à-dire civilisation grecque et romaine, et moi je vais plutôt évoquer la civilisation romaine. Quoi qu'il en soit, ce qui est commun à ces deux civilisations, hein, grecque ou romain, c'est un lien ambigu à la forêt. Je m'explique. Les Grecs, comme les Romains, hein, se définissent comme civilisés. Et également, surtout les Romains, comme une civilisation urbaine. Ils s'opposent, de fait, mais également dans une posture, hein, ils s'opposent aux non-Romains, donc aux non-civilisés, qui est qualifié, déjà depuis l'époque grecque, de barbarie. Hein, le monde barbare, c'est celui qui ne fait pas partie, qui n'intègre pas cette civilisation classique. Et ces barbares sont perçus comme vivant dans un monde sauvage dont la forêt fait évidemment partie non seulement fait partie, mais en plus, en tout cas dans la perception, c'est le monde de la barbarie, c'est un monde forestier. Alors, on pourrait en conséquence supposer un rejet initial au sein de la civilisation romaine du monde forestier, et notamment parce qu'il y a une faveur pour l'agriculture qui est symbolisée par la céréaliculture. Le blé, c'est l'aliment civilisé par excellence, puisque pour arriver du blé au pain, bon, faut déjà domestiquer le blé, puis ensuite savoir le cultiver, savoir le récolter, récupérer les grains, transformer en farine, panifier, cuire, etc. Donc vous voyez, faire du pain, ça demande tout un process, toute une maîtrise technique qui est signe de civilisation. L'autre culture symbole de civilisation, c'est la viticulture. Alors, pour nous éclairer un petit peu sur ce lien qu'aurait le monde romain avec la forêt, on peut se pencher sur une source qui est extrêmement célèbre, pour quiconque s'intéresse à l'histoire de l'Antiquité, comme c'est mon cas, l'histoire de l'alimentation, c'est Apicius. Apicius, c'est un personnage qui a vécu, on ne connaît pas ses dates exactes, donc aux alentours, il est né vers -25 de notre ère, il décède aux alentours de 37 de notre ère. C'est un homme politique, également chef de guerre, haut placé, extrêmement fortuné, très connu pour sa gourmandise, et également connu pour la qualité de sa table. Et il a rédigé, compilé un ouvrage, donc le titre en français c'est « De la cuisine », qui est le plus ancien recueil de recettes occidentales qui nous soit parvenu. Donc, très, très connu, si vous avez fait du latin, c'est dans les collections de Budet, vous avez dû en entendre parler. Et alors donc, quand on feuillette comme ça Apicius, on s'aperçoit que les ingrédients qu'il mentionne dans ses recettes sont manifestement des ingrédients qui proviennent de la forêt. On a du miel, même si l'abeille est déjà domestiquée, mais l'importance du miel sauvage est à prendre en considération. Il utilise comme condiment l'épine de pin. Il utilise également les châtaignes. Il fait des recettes où il cuisine des lentilles avec des châtaignes. Il utilise dans ses recettes les mûres, les truffes, d'autres champignons également, les escargots. Donc on se dit, bon, bah voilà, pas de problème. Apicius nous montre bien que finalement les Romains utilisent la ressource forestière comme garde-manger. Le problème, c'est que cet ouvrage n'est pas représentatif. Il n'est en tout cas représentatif que des seuls goûts culinaires et alimentaires de l'auteur, qui sont à vrai dire assez particulier, mais sans m'étendre, c'est un fanatique absolu d'un condiment qui s'appelle le garum, qui est l'équivalent des sauces asiatiques aux poissons actuelles, le nyok men, soins de rojo, et il en met dans toutes ses préparations, sucrées, salées, voilà. Donc on se dit, bon, c'est peut-être pas non plus la pierre de touche de la gastronomie romaine. Et puis également, cet ouvrage nous est parvenu, ce qui est tout à fait salutaire, mais c'est un ouvrage incomplet. On n'a pas la totalité de l'ouvrage, donc voilà, il est comme toute source historique, il faut le prendre évidemment avec un certain regard critique. Ce qui fait que si on le complète par d'autres écrits, par évidemment la source archéologique, eh bien tout ça nous révèle une alimentation de cette civilisation romaine qui est très variée, et ce qui est rendu possible évidemment par le fait que cette civilisation prend son essor au cœur du bassin méditerranéen, Rome, voilà, on est idéalement placé, donc, et avec des conditions climatiques, géographiques, etc., qui permettent une diversité alimentaire, qui favorisent une diversité alimentaire. Et cette diversité intègre les aliments sylvestres. D'autant que la pratique de la cueillette est courante. Donc on va accueillir des champignons, des asperges, des baies, des fruits sauvages. Alors les textes parlent de noix, mais c'est un générique. Il s'agit aussi bien de noisettes que de pines de pin, je vous l'ai dit, ou de châtaignes. Ce qu'on constate, c'est par l'étude des taux de zinc dans les ossements humains, c'est l'augmentation progressive. Je vous rappelle que la civilisation romaine, c'est un millénaire. C'est -500 avant notre ère et 500 après notre ère. Donc on est sur le temps long. Et bien évidemment, les pratiques alimentaires vont évoluer durant ce millénaire. Les Romains de la République ou de l'âge d'or n'ont pas tout à fait le même régime alimentaire que les Romains de la fin de l'Empire. Donc notamment, ce qui est à souligner, c'est l'augmentation progressive de la consommation de viande, et dans l'organisation, la société romaine est extrêmement organisée, la viande est de tous les repas festifs, notamment le repas festif par excellence, qui est le banquet, qui est donc un repas de gala, mais qui a toujours une connotation également religieuse. Chaque banquet comprend dans son déroulé, à un moment donné, des cérémonies religieuses avec des offrandes qui sont faites aux dieux, pardon, et ces offrandes comprennent toujours de la viande, hein, ce qui montre l'importance accordée à la viande. Sachant que on constate dans ces législations une restriction de la consommation de viande d'animaux domestiques comme le bœuf ou le mouton pour des raisons pratiques, bœuf force de travail, mouton fourniture de matières premières, hein, lait, laine. Eh bien, en conséquence, cela renforce l'attirance pour le gibier. Donc, sanglier, cerf, chevreuil et lièvre, ce qui est corroboré par Apicius. Donc, il est quand même pas non plus totalement hors jeu, si je puis dire. Chose plus surprenante pour nous, en tout cas, hein, c'est la consommation de loirs, ces rongeurs forestiers, donc, qui nous ne sont plus familiers de nos assiettes. Ces animaux sauvages que je viens d'énumérer sont distincts de ce qu'on appelle les pecudes. Hein, les Romains classent les aliments en deux catégories. Il y a les fruges, ça concerne les végétaux, et les fruges ce sont les aliments végétaux, donc cultivés. C'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Et les pecudes, donc, ça désigne des animaux d'élevage. Donc, on n'est pas dans la forêt. Mais, particularité, les pecudes, ce sont, je cite, les animaux élevés pour leur viande, mais se nourrissant sur des terres non soumises à la main de l'homme. Vous voyez, c'est une distinction qui peut nous sembler un petit peu ambiguë comme ça, mais qui est extrêmement importante dans leur mode de fonctionnement et d'organisation de l'obtention d'aliments. Et donc, ça renvoie à l'usage important de ces terres non soumises à la main de l'homme, donc notamment sylvestres, qui sont utilisées pour y faire paître, notamment des animaux, qui sont des animaux domestiques. Alors, si on avance de quelques siècles, intéressons-nous au Moyen-Âge. Je vous l'ai dit, on est sur le temps long, et notamment la cuisine pour les élites, parce qu'on connaît toujours plus facilement les régimes alimentaires des élites que celles du petit peuple. Hein. Donc, la cuisine du Moyen-Âge, pour ces élites, pour l'aristocratie, elle est très proche et très inspiré par les traités de l'Antiquité. Donc là, on est sur une continuité. Je vous rappelle que le Moyen-Âge, c'est également une période extrêmement longue, hein, un millénaire. Et là, ce millénaire voit le passage de ce qu'on appelle une économie agro-silvo-pastorale, donc une économie qui mêle l'agriculture, mais également la sylviculture et l'élevage, hein, agro-silvo-pastorale. Et donc ça va muter, ça va évoluer vers une économie agraire, hein, donc une économie, on peut dire, pré-capitaliste ou une économie de marché, c'est-à-dire que cette évolution, elle est liée à l'augmentation démographique au cours du Moyen-Âge, malgré les incidents qu'on peut commettre, hein, les pestes, etc., 1348. Et en conséquence, on a au début de cette période une économie de subsistance, c'est-à-dire une économie où la connaissance technique ne permet d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais guère plus. Et au cours de la période, donc, on va évoluer vers une économie de marché parce que différents phénomènes, hein, différentes techniques permettent d'avoir une productivité, une production, une productivité qui permet de faire circuler sur les marchés alimentaires des produits qui sont des surplus par rapport à la consommation courante. Alors, la conséquence majeure de ce phénomène pour le paysage, ce sont les grands défrichements, hein, les défrichements des massifs forestiers qui se lisent encore très bien, je pense à M. Husson, hein, sur les cartes actuelles, notamment les cartes topographiques, les 25 millièmes, hein, celles qu'on utilise pour les randonnées, puisqu'on voit assez souvent, un peu partout, les lieux-dits essarts. Bon, quand vous avez un lieu-dit comme ça, essarts, ça renvoie à ces défrichements forestiers qui débutent qui débute au XIIe siècle. Je vous donne un exemple qui est à la frontière entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, sur la forêt dite des Essarts. On est sur le banc de Rigny-Saint-Martin, entre le Toulois et le Val-Colleroy. Alors, au regard de ce phénomène, le rôle de la forêt comme ressource alimentaire semble se réduire, puisque au cours du Moyen-Âge, la superficie des forêts va sensiblement diminuer. Mais encore une fois, on a un phénomène complexe, parce que pour les populations les plus modestes, qui sont de toute façon des gens des campagnes, 80% de la population au cours du Moyen-Âge vit à la campagne, donc pour les plus modestes et jusqu'à la fin du XIIIe siècle, si les deux aliments principaux, ce sont le pain et le vin, et de loin, les autres nourritures ne sont que des compléments alimentaires, et dans ces compléments prédominent les végétaux, et notamment des végétaux qui sont issus de cueillettes sylvestres, asperges, châtaignes, glands, etc. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le rôle de la forêt comme ressource alimentaire indirecte. Là, vous avez une miniature médiévale où on voit un porc qui est emmené à la glandée, donc ce qui permet ensuite de consommer l'animal roi du Moyen-Âge, puisque tout est bon dans le cochon. Quand on évoque l'alimentation carnée au Moyen-Âge, on pense évidemment à la chasse. Alors, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque, on va dire jusqu'à l'an 1000, mais vraiment, c'est une date extrême. La chasse est une pratique qui concerne l'ensemble de la population. Et puis, elle va être progressivement, mais définitivement confisquée par la noblesse, qui va faire de cette activité le loisir noble par excellence. Mais également, il ne faut pas l'oublier, la chasse, c'est un succès d'année de la guerre. C'est un moyen de s'entretenir. Entre deux conflits. Pour le noble, c'est d'ailleurs d'abord un sport avant d'être un moyen de se fournir en aliments. Alors que pour le paysan, c'est d'abord un moyen d'avoir une alimentation carnée avant d'être un loisir. C'est complètement inversé. Alors, l'importance de la chasse, je vous ai dit, fait qu'elle va être progressivement confisquée par la noblesse, et j'en veux pour preuve des règlements qui sont édictés. Je vous cite la charte de Beaumont-Argonne, qui date de la fin du XIIe siècle, qui est un des modèles qui va servir à l'élaboration de chartes de franchise à partir de la fin de ce siècle, et puis tout au long du XIIIe siècle, et puis au Moyen-Âge finissant. Eh bien, cette charte condamne à 60 sols d'amende celui qui se trouve chassant en bois du Seigneur, je cite. 60 sols, c'est pas une somme anodine, c'est pas non plus monstrueux, mais enfin, c'est quand même une amende que l'on sent passer, si je puis me permettre. Alors, pour vous illustrer, j'espère qu'on voit bien, oui, pour vous illustrer cette chasse noble, je vous montre un objet tout à fait exceptionnel. Il s'agit de la lance de Cutry. Donc c'est un pieu, en fait, le terme lance n'est pas tout à fait juste, c'est un pieu qui servait à la chasse aux sangliers. L'objet a été découvert à Cutry, donc nord de la Meurthe-et-Moselle, en 1985, il date du 5e siècle. Il est sans équivalent en Europe, par la qualité de sa réalisation, donc alliance de métaux, et surtout parce que figure donc sur la lame, vous le voyez peut-être, une inscription en latin qui a été traduite, donc inscription qui court sur les deux faces. Que tire cette lance dans de vastes forêts celui qui se plaît à affronter les bêtes féroces ? Alors, par bêtes féroces, l'auteur, anonyme évidemment, renvoie notamment à la chasse aux sangliers, qui est une pratique fréquemment représentée sur les objets aristocratiques du IVe et du Ve siècle, ainsi que sur les mosaïques romaines tardives, voire sur les sarcophages chrétiens. Donc voilà, c'est un thème iconographique qui est quand même à la mode, si je puis dire, en cette haute époque. Et j'ajoute, à côté du sanglier, le noir, comme on l'appelle encore, quand on est chasseur, la chasse la plus excitante, si je puis dire, pour les chasseurs, c'est la chasse à l'ours. Alors certes, là, c'est plus du tout pour se nourrir. Hein. L'ours, c'est le roi des forêts. C'est vraiment la chasse la plus noble par excellence, parce que aussi une des plus dangereuses. Hein. C'est une, ce qu'on peut appeler une chasse royale. Et je vous rappelle que les dernières chasses à l'ours ont eu lieu, donc, pour notre région Grand Est, dans les massifs forestiers, notamment au massif vosgien, au cours de l'époque moderne. Apparemment, les informations que j'ai me disent que les derniers spécimens auraient disparu du massif vosgien à la fin du XVIIIe siècle. À confirmer. Ce qui convient de souligner, c'est la distinction qui est opérée dans les mentalités de l'époque entre animal sauvage et animal domestique. Ces deux termes-là ne correspondent pas à notre réalité. Je m'explique. À l'époque, le terme animal domestique renvoie donc au latin domus, hein, domus la maison, sont alors considérés comme domestiques, là on est au XIIIe, XIVe siècle, des animaux qui pour nous ne le sont pas, qui pour nous sont des animaux sauvages, et donc issus des milieux forestiers, à savoir le renard, le merle ou la belette. Donc ça, dans la mentalité médiévale, ces animaux-là sont des animaux domestiques. Donc ils ne sont pas des, sont pourtant des animaux de la forêt, mais enfin en tout cas pour nous, mais à l'époque également, mais pour les gens du temps, ce sont des animaux dits domestiques, mais évidemment non pas domestiques. Alors les temps modernes, c'est aussi, donc à partir du XVIe siècle, c'est aussi pour notre secteur une époque fort noire. Hein, je renvoie à la guerre de 30 ans, donc qui s'abat sur la Lorraine à partir de 1635. Et donc jusque dans les milieux de la décennie 1660. Donc vous connaissez. Hein, voilà, les misères de la guerre, etc., Jacques Callot, Madame de Saint-Balmont, et cette succession de chaos oblige, comme ça a été le cas évidemment dans les périodes précédentes, mais oblige à une adaptation, parce qu'on meurt de faim, littéralement, et c'est là que la forêt offre ses ultimes ressources, des racines, des herbes, mais également... on va jusqu'à utiliser les glands des chênes pour faire de la farine et essayer de panifier ça, pour ne pas mourir de faim. Vous voyez qu'on vraiment, on fait flèche de tout bois. Une des deux caractéristiques de cette période, c'est l'appétence pour le gibier qui se poursuit, toujours de la part de la noblesse. Un exemple, hein, on est en novembre 1524, l'historiographe Nicolas de Volsire, de Sérouville, qui est donc dans l'entourage de la famille ducale, hein, relate à ce moment-là, donc en cette fin d'année 1524, les fêtes qui sont données à l'occasion du baptême du fils puiné du duc de Lorraine de l'époque, c'est le duc régnant, c'est le duc Antoine, hein, son jeune fils, c'est Nicolas, et Volsire explique qu'on a installé, donc on est à Bar-le-Duc, hein, pour ces fêtes de baptême, et on a installé des vénéries, donc une réserve de gibier, mais également une volerie, et où se trouve donc conservé, si je puis dire, en l'attente d'être consommé, bah, des cerfs, des biches, des sangliers, des chevreuils, des daims, des griffes, des merles, etc. etc. La réputation des gibiers lorrains est telle à l'époque que les forêts de Lorraine fournissent Paris en gibier, hein, alors que c'est pas quand même les espaces forestiers qui manquent non plus totalement autour de la capitale. L'autre particularité des temps modernes, 16e, 18e siècle, c'est que des aliments d'origine sylvestre deviennent désormais, si je puis dire, goûtés. Pardonnez-moi le jeu de mots. Alors, parmi eux, les champignons. Je vous ai déjà dit qu'on consommait les champignons dans les époques précédentes, et parfois depuis très longtemps. Mais il y a certains champignons qui, jusqu'à ce moment-là, n'étaient vraiment pas considérés. Et notamment au Moyen-Âge, si on consomme des champignons, ce sont surtout des champignons des prés. On ne s'aventure pas trop dans la forêt. Les champignons forestiers, ils ont semble-t-il, je sais pas, mauvaise réputation, ou en tout cas, voilà, ils n'attirent pas le cueilleur. Alors là, 17e, fin 17e, début 18e siècle, c'est plus du tout le cas, et notamment le champignon qui va devenir une star et pour longtemps, c'est la truffe. On découvre, on redécouvre la truffe, et donc la duchesse de Lorraine, donc Elisabeth Charlotte d'Orléans, donc l'épouse de, ça y est, Léopold, merci, l'épouse de Léopold, donc elle apprécie particulièrement les truffes du sud toulois, si vous connaissez Colombey-les-Belles, hein, le secteur de Colombey-les-Belles et de Favières, qui sont des secteurs encore forestiers, et bois d'Anciota, etc. Donc tout à fait propice, hein, même encore aujourd'hui. Je vous rappelle que jusqu'à la Grande Guerre, hein, la Lorraine est une terre truffière, et puis que les deux conflits mondiaux vont faire chuter la production, et puis ça renaît comme ça depuis maintenant une trentaine d'années, avec un succès tout à fait méritoire. L'autre champignon qui va vraiment devenir à la mode à ce moment-là et qu'on va apprendre à apprécier, ce sont les cèpes. Et ça, c'est, on le doit à Stanislas. Alors, on doit plein de choses au niveau alimentaire à Stanislas, mais notamment le cèpe et bolet, c'est lui et son entourage polonais qui apprend aux Lorrains à apprécier ces champignons. Autre particularité, il semblerait, mais là c'est plus délicat à cerner parce que les sources plus anciennes sont muettes, ça serait à ce moment-là qu'apparaîtrait une nouvelle mode alimentaire, hein, celle de consommer des grenouilles et des escargots. En tout cas, il n'y a pas de livre de cuisine qui mentionne les grenouilles avant la Renaissance. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en consommait pas. Et puis, l'encyclopédie alors, nous dit que les escargots sont de la nourriture pour le peuple. Donc c'est très péjoratif. Hein. Cela dit, Stanislas remplaçait les huîtres par des escargots. Hein, la mer étant un petit peu éloignée, eh ben, voilà, ça faisait office d'huître. Alors, pour l'époque contemporaine, un phénomène que vous connaissez, c'est celui de l'exode rural, hein, à compter des années 1850-1860, qui soustrait une part croissante de la population de la campagne, hein, qui emmène cette part de population vers la ville. Du coup, évidemment, le rôle de la forêt comme réservoir traditionnel pour les populations diminue mécaniquement par justement la diminution du taux de personnes habitant la campagne. C'est une période qui nous est proche et qui pourtant est difficile à appréhender sur le sujet, parce que notamment les livres de recettes de l'époque, je pense à la cuisine messine d'Oricos de Lazarque, donc un des ouvrages les plus célèbres, hein, pour qui s'intéresse au sujet, il n'y a aucune mention de produits alors, même pas d'originaire des forêts, mais de produits, disons, qui ne seraient pas un aliment domestique. La thèse que Claude Touvenot a consacrée à l'alimentation traditionnelle en Lorraine, à la fin, je crois que la thèse a été publiée en 1978, pareil, est muette sur le sujet, c'est très étonnant. Alors, les renseignements oraux que j'ai pu collecter comme ça, évoque quand même qu'à la campagne, on va dire au milieu du XXe siècle, oui, on va encore dans la forêt chercher des orties, des champignons, des asperges, de l'ail sauvage, tous les fruits possibles, hein, les cerises, les noisettes, les framboises, les prunelles, les mûres, les fraises des bois, les cornouilles, les myrtilles, le sureau également, alors soit comme boisson, soit pour faire des confitures, ou la frénette, qu'on fait avec les petits fruits du frêne, hein, qui est une boisson traditionnelle dont on n'a plus trop connaissance aujourd'hui. Donc tout ça montre bien que sur le long terme, il y a une continuation des comportements. Alors pour conclure sur le sujet, évidemment, en ces années 2000-2019, forêt et comme source d'alimentation. Bon, la vie à la campagne a tellement évolué que les agriculteurs, j'allais utiliser le beau mot de paysan, n'ont plus ni le temps ni le mode de vie qui fait qu'ils utilisent une partie des ressources alimentaires des forêts. Hein, aller chercher des aliments dans la forêt, aujourd'hui, c'est un loisir, qu'on soit campagnard ou citadin. Alors, cela dit, le goût pour le gibier s'est maintenu, notamment au moment des fêtes de fin d'année, ça reste un aliment de fête, c'est également en lien avec les périodes de chasse. Ce qui peut faire revenir vers la forêt, c'est les phénomènes actuels de végétalisme. Hein, c'est depuis quelques années très à la mode, j'ai fini. D'aller chercher de la nourriture dans la nature. Bon, je suis très scientifiquement très, très circonspect par rapport à ce phénomène. Mais cela dit, il y a quand même des signes comme ça. Je prends pour terminer deux exemples, celui de grand chef étoilé, Marc Vera, que vous connaissez peut-être, qui est un chef au Savoyard, et puis Olivier Rollinger, qui lui est plutôt officier en Bretagne, et qui ont été remarqués hein, ces dernières années, notamment parce qu'ils vont parfumer leurs plats par des plantes, etc., qu'ils vont chercher dans la forêt. Donc vous voyez que bah, pour la création culinaire, la cuisine n'est que création ou recréation, eh bien, la forêt a encore un rôle à jouer. Je vous remercie de votre attention. Thank you.